que je vais vous faire entendre dans les prochaines minutes. Les oreilles sensibles, veuillez vous abstenir. 670-9330. Prenez à peine d'écouter ça pareil. Tu sais, des images à la TV qu'on voit de cruauté animale, souvent c'est choquant. Je parle pas d'un homard bouilli, là, mais bon, il y a des affaires des fois qu'on voit que c'est... Bon. Mais il faut regarder ça. Certains vont contester ce que je fais ce matin, je le sais, mais je prends la peine de vous le faire entendre pareil. C'est un scientifique, là. Un doc, un prof qui parle en anglais, mais on entend très bien le traducteur français de la vidéo, décrire ce que l'on fait à cet animal-là. Et j'aimerais que vous essayiez de deviner de quel animal il s'agit, et on pourra ensuite en discuter. 670-9330. Alors, c'est un résumé. Je pense que la vidéo dure en tout une dizaine de minutes. On pourra vous donner le lien. Mais ils m'ont préparé un genre de petit montage qui résume bien ce qu'on peut faire endurer, ce qu'on fait à cet animal. En premier lieu, il place cet instrument et l'ouvre ensuite, ce qui lui permet d'observer, après avoir examiné alors cet instrument, appelé tenaculum, et ensuite, en le passant à travers et le fixant fermement, comme ceci, en pinçant le tenaculum pour le fermer, ce qui permet de le maintenir fermement, comme ceci, c'est à ce moment-là qu'un autre instrument, la sonde, entre en jeu. Introduit alors cet instrument, puis il le retire, ayant ainsi déterminé la profondeur et par la même occasion, la largeur. On utilise ensuite ce jeu d'appareils de dilatation, ces instruments métalliques recourbés, afin d'y introduire, pour terminer, les instruments. Place d'abord le plus fin de ces instruments à l'intérieur. Il le fait tourner de manière à disposer d'un diamètre plus grand. Il introduit cette extrémité et continue de l'introduire de façon à disposer de diamètres de dilatation de plus en plus grand. Il prend alors un instrument. Cet appareil est contenu dans un emballage de plastique et l'insère dans le but d'aller percer le sac, permettant ainsi d'aspirer la totalité avec une pression d'environ 55 mm de mercure qui est appliquée à l'un des instruments auquel on a fixé un tuyau long et épais. La curette commence alors à mettre en morceaux. Le corps est mis en pièces, méthodiquement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des lambeaux du corps et la tête elle-même, laquelle est trop grosse pour passer dans l'instrument. Il faut alors introduire cet instrument de façon à permettre de saisir la tête qui maintenant flotte librement entre les anneaux de cet instrument. La tête est alors écrasée, son contenu retiré et finalement terminé. Bon, alors c'est à la fin, là. Au début, la première minute, je sais qu'on comprend pas grand-chose, mais c'est pas grave, là. C'est à la fin qu'on parle de tête écrasée, on parle de choses mécaniques, on comprend qu'on est en train d'écraser une tête, de démembrer. Je pourrais peut-être tantôt vous en faire jouer un extrait plus long, mais bref, c'est réel ce qu'on fait à cet animal-là. Mais moi, je m'interroge. Est-ce qu'il souffre, cet animal-là, lorsqu'on y fait ça? Je le sais pas. Je sais pas s'il y en a qui ont deviné de quel animal il s'agit. Évidemment, c'est pas un homard. Évidemment, c'est pas un bœuf, parce que j'en ai parlé tantôt. Il s'agit pas non plus d'un bébé phoque. S'il y en a qui l'ont deviné, l'ont oublié, je sais que c'était pas évident à entendre compte tenu de la traduction. On a parlé beaucoup d'instruments dans la première minute, là. Mais à la fin, je veux pas répéter les mots, mais ça semble assez difficile. 670-9330. C'est un animal dont on parle pas souvent dans les groupes de défense des animaux. J'ai pas vu beaucoup de campagnes, j'ai pas vu beaucoup de discours à savoir s'il y avait souffrance, à savoir si la méthode était correcte, si on pouvait la questionner. Vous savez que la méthode d'abattage, par exemple, des bébés phoques est extrêmement contrôlée. Même chose dans les abattoirs. Alors, est-ce que les auditeurs ont deviné? On va aller au téléphone. On va aller jaser avec les gens. Bon matin, FM 93. On parle à Georges. Salut, Georges. Oui, hello. Est-ce que tu as deviné? Je sais que c'était pas super clair, mais de quoi il s'agit? C'était très, très clair. C'est un avortement. Alors, l'animal, ce serait un bébé? L'animal, ce serait un être humain. Un fœtus? Un fœtus, effectivement. Alors, c'est des choses qu'on passe pas souvent, mais là, on s'en aperçoit là comment ça fonctionne. Merci, Georges. Salut. 670-9330, s'il y en a qui ont des commentaires. Est-ce qu'on a le droit de parler de ça ou on n'a pas le droit? Si le monde entier peut s'émouvoir du fait qu'on bouille les homards vivants ou qu'on abatte des bœufs, est-ce qu'en mentionnant qu'il y a une souffrance de l'animal, l'animal souffre, il ressent de quoi et c'est pas correct, est-ce qu'on peut poser la question suivante? Est-ce que c'est une question, là? Fais-moi ça qu'on en débatte. Est-ce que le fœtus souffre? Est-ce qu'il ressent de quoi? On sait qu'il rêve, on sait que déjà il y a des réactions dans le ventre de l'enfant. On en sait, la science avance, là. On en sait de plus en plus. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il souffre? Au moment où l'aspirateur, on l'aspire, on le démembre, on écrase la tête, je veux pas refaire jouer ce qu'on a fait tantôt, c'est assez une fois. Il ressent-tu de quoi? 25 000 par année. Au Québec. Il y en a eu combien? Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Est-ce qu'on pourrait en discuter? Est-ce qu'on pourrait limiter ça? 25 000 par année depuis que l'avortement a été légalisé. Il y en a eu combien au total, tu penses, José? Est-ce qu'il y en a eu? À chaque 4 ans, il y en a 100 000. C'est assez facile, là. Alors, par 10 ans, 2, 300, il y en a-tu 1 million? Pensez à ça hier. Est-ce qu'il y a eu 1 million d'avortements au Québec? Est-ce que ça se peut? Non, t'as rien à dire? Non, je... Ben non, mais j'ai rien à dire là-dessus. Rien à dire? Cette question-là, non, tu te la poses pas. Non, mais cette question-là, je la pose, mais je vais te faire dévier ton sujet si j'embarque là-dedans. Mais sur ma question, sûrement est-ce que... qu'il y a eu 1 million d'avortements. Sûrement. Est-ce que le fœtus souffre? Ben sûrement qu'il souffre aussi. Mais ça, oui. Je pense pas que personne en doute, là. Non. Alors, compte tenu qu'il y a souffrance du fœtus, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'en parler dans le débat, alors que la souffrance du homard et du bœuf, elle, j'ai le droit d'en débat. Le bébé phoque, ça, on peut en parler tant qu'on veut. Mais juste de dire ça, je sais qu'un matin, les féministes vont enrager, là, parce qu'on ose dire... Mais je pense pas que c'est juste les féministes ce matin qui enragent. Mais tu sais, les petits groupes allemands là, qui protestent contre notre homard ici, comme quoi il était bouillanté, je pense pas que ça émeuve les Québécois, vraiment. Ça fait plus partie du fin insolite, selon moi. Là. Oh, puis les groupes contre l'avortement, il y a différentes façons de voir ça. T'sais, moi, je suis de celle, même qui est pas féministe nécessairement, mais qui trouve que le sujet doit s'aborder à partir de quand l'avortement doit arrêter de le faire, etc. Mais je trouve ça... Je trouve que le débat est comme mal placé. Souffrance, là, je pense que même la femme qui prend la décision pour la bonne ou la pas bonne raison, elle sait. Il y a 60% des femmes qui se font avorter qui ont des traumatismes post-traumatiques après un avortement. Fait que je pense qu'elles le savent, là. Donc, si la femme, au moment mais où tout elle se discute en passant, moi, je suis pour les débats, puis je suis pour discuter de tout, là. OK. Mais toi, t'aimerais mieux qu'on parle de la souffrance de la femme qui est enceinte, elle sent mal, elle veut pas son enfant, pis c'est pas de sa faute, anyway, on sait que c'est non, sûrement... Non, mais un empêche pas l'autre. C'est sûrement Cigogne qui a amené ça dans le ventre. Donc, elle sent pas bien, elle est pas prête à avoir l'enfant. Ça, on peut en parler des siècles durant. Mais le fœtus qui souffre, moins un petit peu, faudrait pas donner les détails. Ben, on peut reculer de tête. J'ai dit que tout se discute. Il n'y a pas de problème. Il y a des émissions à Canal Vie, là, où tu vois les opérations, là, regarde, tu vois tout. Mais ça. Mais c'est pas chiant. Ce qui se passe au niveau du fœtus, il faudrait plus que ça soit un genre de tabou. Non, non? On peut remettre en question la façon de faire. On peut remettre en discuter, effectivement. Mais je trouve que ça doit brasser des choses ce matin, là, chez certaines femmes que c'était pas nécessaire. C'est juste cet aspect-là, moi. C'est pour ça que j'aime autant. Pas nécessairement embarqué là-dedans. Là, mais... OK. Et pourtant, des fois, quand je vois des vidéos en TV, je me souviens même, à un moment donné, Sophie Thibault avait fait un gros avertissement. C'est rare qu'elle en fait. Il y a souvent des images sur ce qui se passe dans le monde atroce avec des enfants et autres. Je parle pas d'avortement. À un moment donné, il y avait des images là, sur des chiens maltraités. Ben, t'avais fait, je sais pas si on a encore ça dans nos archives, mais elle avait dit, là, préparez-vous, là, ça va vraiment être des images dures à voir. Ça va être difficile, les enfants, tout ça. Puis c'était des chiens maltraités. Puis c'est vrai que ça faisait pitié, puis c'était innocent. Mais je pense qu'il avait montré les images pareil, en disant, faut que le monde y voie ce qu'on fait aux chiens, ah ouais, là. C'est important qu'on le voit. Je comprends. C'est important qu'on voit, là, toutes les images d'usines de poulets, les images de, tu sais, ils montrent ça. Faut que le monde le sache. Mais je suis convaincu, c'est là où je te suis, dans le sens où une station de télé ferait ce qu'on fait un matin, en disant, voici un avortement. Voici ce qu'on fait exactement au fœtus. On va tout le montrer. Le découpage, le démembrage, l'aspiration, la suction, ça serait la fin du monde. Sérieusement, je pense que cette station de télé-là ne survivrait pas. c'est peut-être une approche de prévention, je dirais. Tu sais, quand la femme y songe, peut-être que tu le passes puis que ça permet de prendre ta décision différemment, là, quand tu vois tout ce que ça implique. T'as raison. Le fait de, je suis conscient que le fait de dire exactement ce qu'ils font au fœtus et oser aborder la souffrance du fœtus, tout d'un coup, ça pousserait une femme à avoir son enfant. Peut-être qu'elle l'avorterait pas. Peut-être que la prochaine fois, elle emploierait des moyens de contraception. Peut-être qu'elle prendrait la pilule. Alors, faudrait pas en parler. Quelle autre conséquence? Je vois pas quelles conséquences désastreuses ça peut avoir d'en parler. Je vois pas. Pour ceux qui sont faits, c'est fait, ils l'ont fait. On reviendra pas en arrière. Mais il y a 25 000 avortements par année au Québec. Y a-tu quelqu'un que ça bouge pas? La contraception est accessible, ça coûte de moins. L'éducation est là, tout est là. Il y a 25 000 avortements par année au Québec. C'est juste que peux-tu moi, je suis moins drastique. C'est juste dans le sens que on l'a sorti les chiffres concernant même les femmes qui pendant une même année peuvent se faire avorter 3 fois. Ça n'a pas de bon sens, ça. Vraiment, puis pour tout le monde, là, pour le fœtus, pour la femme, puis pour la responsabilité sociale, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est juste que il y en a des femmes que c'est une nécessité. Là. C'est juste cet aspect-là que moi je tiens en ligne de compte. Puis je veux pas tout mettre dans le même bateau. Tu sais, je veux pas tout mettre ça dans le même sac. Moi, je fais pas ça, moi. Il y a personne qui fait ça. Moi, je pense qu'on devrait avoir un grand débat sur l'avortement. On devrait inviter pas du monde comme moi, là. On devrait inviter des experts en éthique, des experts en biomédecine. À partir de quand un être est vivant? À partir de quand le fœtus risque de souffrir? Compte tenu que la médecine offre 100 000 autres façons, là. Les femmes aujourd'hui ont tout ce qu'il faut pour pas tomber enceinte, là. Compte tenu de ça, est-ce qu'on devrait pas limiter le nombre d'avortements? Est-ce qu'on devrait pas faire en sorte qu'ils payent? Est-ce qu'on devrait pas, comme société, essayer de baisser ça? Tu sais, j'ai pas encore prononcé le mot criminaliser l'avortement. J'ai pas dit ça, là. Moi, je pense qu'on débat énormément du sort des animaux ou d'autres patentes. Mais il y a un tabou dans ce sujet-là, c'est incroyable. Il y a une fermeture, ça, c'est clair, net et précis. Je suis d'accord avec toi. Studio à commercialfm93.com. Faut aller à la pause. Si vous avez de quoi à dire là-dessus, écrivez-nous. Merci. C'est un auditeur. Je le nommerai pas. Je pense que ça ne dérangerait pas qu'on le nomme. Il s'est reconnu. Qui a eu l'idée hier en m'envoyant un petit courriel en disant, Sylvain, tu viens de parler des homards bouillis. As-tu déjà vu comment ça se fait un avortement d'un fœtus? Est-ce qu'il souffre, lui? Est-ce qu'on parle de cette souffrance-là? C'en est une forme de souffrance animale, ça aussi. Mais oui. Non, c'est pas juste. J'aimerais ça finir ça positif, si ça se peut, mais. Pourquoi on est obligé que ça soit positif? Ben, je vais t'expliquer mon point, tu vas comprendre, là. Mais je trouve tellement que la mère a un rôle avec ses enfants aussi là-dessus de. Tu sais, d'en discuter, d'en jaser. Puis ça aussi, je suis pas sûre que ça jase tant que ça dans les familles. Tu sais, on parle de contraception, on parle de faire attention, mais de ce que ça implique, puis les conséquences, puis. Tu sais, la mère. Oui. Je suis d'accord avec toi, José. Plus que ça, moi. Tu sais, on a un rôle, là. Moi, là, c'est ça que personne va être d'accord avec moi. Ou presque à l'école, moi. Mais moi, aussi. Non, non, mais t'as peu, moi, je passerai à la vidéo, moi. Dans toutes les écoles. Pas que les petits sangs, les petites filles, là. Rendues à secondaire 4. Secondaire 4. Comme prévention. Secondaire 4, voici c'est quoi un avortement. Je vous avais dit, ça va être dégueulasse. Vous allez voir le bébé démembré, aspiré, la tête écrasée. Voici ce qu'ils font. Après ça, tu lui parles de la pilule, puis tu lui parles du condom. Puis tu lui parles de l'adoption. Tu lui parles de c'est quoi mettre un enfant au monde. Tu sais, ça, je trouve ça positif. Là, je trouve ça, là, il y a un beau message à passer. Mais jamais. Si tu oses faire ça, les féministes vont t'arracher la tête. Ils ne veulent pas. Et c'est ça, moi, que je dénonce surtout. 8-27.